Recording is on. Recording is on. Bon, ben là, on a la preuve que l'enregistrement est parti. Parce que aussi, le son, particulièrement le son des interventions de Patrick et de Mélissa vont être aussi diffusées à la radio lors de mon émission de radio à CKUT qui s'intitule En profondeur, qui est le premier lundi de chaque mois entre 5h et 6h, heure du Québec, donc 11h, minuit, heure de France, Belgique. Pour le moment, en tout cas. Parce que des fois, on est à 5h, des fois, on est à 6h de décalage. Donc, bon, ici, je vous ai réunis aujourd'hui pour parler du livre de Patrick, La loi des pères, aux éditions du Rocher, et à tout ce qui est dans le livre, et aussi à toutes les dimensions du travail d'Émilie Soblet aussi. Parce qu'il y a des affinités profondes entre le travail qu'a fait Patrick sur ces sujets et celui de Mélissa. Donc, ils se sont croisés aussi à travers La domination masculine, le film que Patrick a réalisé. Donc, ici, on va faire une première partie où ça va être une présentation du livre de Patrick par Patrick. Ensuite de ça, on va avoir une intervention de Mélissa. Après ça, il va y avoir des questions que je vais poser. Et ensuite, on va ouvrir la salle pour d'autres questions ou d'autres conversations. C'est comme ça que ça va se passer. Pour ce qui en est de la présentation, pour moi, c'était important de présenter ce livre parce que, personnellement, j'ai fait une déclaration comme de quoi j'avais été victime de mon père et ça touche beaucoup de dimensions de ce que j'essaie de travailler, non seulement à titre individuel, mais aussi au niveau collectif, sur la question de l'inceste, notamment, qui est pas beaucoup discuté, parce qu'on discute quand même beaucoup des agressions sexuelles, heureusement, depuis agressions non dénoncées et MeToo, mais pas tant de l'inceste en tant que tel. Puis, donc, le livre couvre toutes ces dimensions-là, donc aussi pour le groupe que je viens de partir, qui s'appelle Entraide entre victimes d'inceste, c'était aussi très pertinent. Donc, de se réunir aussi aujourd'hui pour entendre Patrick Jean et Mélissa Blais sur le livre et aussi sur toutes les dimensions que le livre couvre et que le travail et de Patrick et de Mélissa couvre. Alors, d'habitude, ici, on fait des présentations courtes au début pour dire aussi qu'on est en territoire occupé. Territoire qui, dans ce qu'on appelle Montréal, j'ai pas écrit ces noms-là dans l'événement Facebook. Souvent, je dis soi-disant Québec, soi-disant Montréal, parce que ce sont des territoires coloniaux. Ce sont des noms coloniaux donnés à des territoires autochtones qui sont occupés. Donc, ici, continue l'occupation patriarcale, capitaliste, colonialiste des terres autochtones. Et ici, particulièrement dans ce qu'on appelle Montréal, au Geojagé, qui est le nom Galengaga au Mohawk des terres sur lesquelles nous sommes. Mais c'est un territoire qui a été fréquenté historiquement par plusieurs peuples autochtones, dont les Anishinaabe, les Kanengiaga, les Atikamek, il y a d'autres, les Wendat aussi considèrent que c'est une partie de leur territoire. Donc, c'est une lutte qui continue et la présence est non seulement historique, mais elle est aussi encore actuelle. Alors, souvent, nous commençons nos présentations ici sur ce mode-là et toutes les émissions que je fais aussi. Alors, je pense que ça va être pas mal ça pour la présentation. Si vous avez des questions sur la page d'un survivant ou sur Entraide entre victimes d'inceste, vous pourrez les poser dans la période de questions et je répondrai à ce moment-là. Alors, je vais céder la parole à Patrick Jean qui va nous parler de son livre « La loi des pères ». Merci beaucoup. Je suis très, très, très content. Alors, pour différentes raisons. La première, c'est de parler notamment avec et devant des Québécois. J'adore le Québec, je suis fou de Montréal. Si vous n'aviez pas ce foutu hiver, je crois que j'y habiterai depuis longtemps. Donc ça, c'est toujours un plaisir. D'être invité aussi par un survivant de l'inceste, pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Et puis en compagnie de Mélissa Blais. Alors ça, c'est vraiment une histoire, une boucle qui se referme, puisque j'ai rencontré Mélissa dans les années 2000. Je me souviens de notre première rencontre en face de la Cinémathèque et c'était pour parler des masculinistes. Moi, j'arrivais d'Europe, je découvrais le phénomène, Mélissa le connaissait déjà beaucoup. Il y avait eu les événements, l'ascension du pont Cartier, etc. Et donc, c'est Mélissa, en fait, qui m'a beaucoup éclairé sur ces questions-là. Je pense, Mélissa, que tu avais déjà commencé ta thèse à ce moment-là. Et puis, d'autre part, merci pour cette introduction. C'est très intéressant parce qu'on va commencer par là et puis je terminerai par là. On pourrait se dire que cette histoire des Autochtones, quel rapport, pourquoi ils parlent de ça? En fait, il y a un rapport étroit. Le mot « patrie » vient de « père », la patrie, « fatherland » en anglais, c'est la même chose en néerlandais, en allemand, c'est la terre des pères. La patrie, c'est la terre des pères. Donc, on voit bien que cette idée même de s'approprier des terres pour en faire une patrie, c'est une idée, effectivement, qui est, comme on le verra, directement issue d'une pensée d'organisation sociale qui est partout représentée, malheureusement, qui est ce qu'on appelle le patriarcat et qui touche toutes les structures, tous les éléments structurels de la société, pas seulement les rapports entre les hommes et les femmes. Alors, effectivement, c'est à Montréal que j'ai découvert les mouvements masculinistes. Je préparais le film sur la domination masculine et j'ai entendu parler de groupes d'hommes qui me paraissaient assez fantaisistes, mais bon, j'en ai entendu parler dans la presse, je pense. Et donc, quand je suis venu à Montréal, eh bien, je m'intéressais déjà à la question du massacre de l'École polytechnique et j'ai découvert l'existence de ces groupes dans la presse. Et après m'être informé, notamment auprès de Mélissa, j'ai commencé à contacter ces groupes pour essayer de les approcher sous une fausse identité, parce que s'ils avaient tapé mon nom sur Internet, ils auraient vu que ça ne matchait pas. Donc j'avais pris un faux nom pour pouvoir les approcher, pour pouvoir les fréquenter et puis leur proposer de parler dans le film. Parce qu'il me semblait que cette parole extrêmement violente et caricaturale, elle était révélatrice de quelque chose. Alors, je me souviens d'avoir eu des débats avec, notamment avec une amie productrice québécoise qui me disait « Mais non, mais c'est quelques tarés, ça ne représente rien du tout. » Et finalement, oui, c'est une partie, c'est la pointe de l'iceberg, mais comme on va le voir, c'est un mouvement qu'il est vraiment très important d'étudier comme le fait Mélissa. Et donc, en fréquentant ces hommes, soi-disant en étant moi-même un masculiniste qui voulait défendre la cause des hommes et faire un film à leur gloire, j'ai passé pas mal de temps avec eux et ils m'ont un peu raconté, livré leurs secrets, leur programme, leur stratégie, en espérant que je viendrais rapporter la bonne parole en Europe pour multiplier évidemment le combat. Ils m'ont expliqué qu'ils étaient en relation avec SOS Papa, d'autres associations qui existaient déjà, qui étaient relativement discrètes encore à l'époque en Europe. Et une des choses dont ils m'ont parlé, c'est le syndrome d'aliénation parentale. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Ils m'ont expliqué que les méchantes femmes, poussées par les féminazis, c'est comme ça qu'ils parlent des féministes, avaient pour habitude de pousser leurs enfants, surtout après des séparations, des divorces, à inventer des agressions sexuelles qui auraient été commises par le père, mais qui n'avaient évidemment pas été commises, pour mettre le père en prison, pour l'écarter de la famille, puisque ces féminazis, fémifascistes et autres vaginocrates, c'est comme ça qu'ils les appellent, qu'ils vous appellent, ne pensent qu'à une chose, c'est évidemment détruire la société main dans la main avec les homosexuels, les magistrats, les journalistes, enfin une sorte de grand complot, il ne manquait que les Illuminati. Et donc ils m'ont raconté cette histoire de syndrome d'aliénation parentale, ils m'ont dit qu'il y avait un théoricien très important, Richard Gardner, un Américain qui avait découvert ça, qui avait écrit des choses formidables. Bon, je suis allé voir, je me suis rendu compte que ce type était un no one, voilà, c'est monsieur personne, il n'avait été validé par personne, aucun article publié dans aucun magazine scientifique sérieux, il avait monté sa propre maison d'édition, enfin, rien. Bon. Donc, j'ai un peu oublié cette histoire, et moi, ça m'avait fait un peu rire, parce que ça faisait partie des théories les plus farfelues. Il y en a eu d'autres, hein, il y a eu beaucoup de choses qui étaient assez comiques en soi. Vous avez à Montréal un psychologue qui m'a expliqué que l'éjaculation précoce, c'était normal, c'était les femmes qui jouissaient en retard. Vous voyez, toutes sortes de choses complètement drôles, en fait, drôlatiques, et que je n'ai pas prises au sérieux. Toujours est-il que quand mon film a été terminé, en Europe, j'ai fait la sortie du film, j'ai fait quoi, en un an, plus ou moins 200 débats, en France, en Belgique, un petit peu autour, et lors de ces débats, j'ai été très surpris d'entendre des gens dans les salles, dans le public, prendre la parole pour parler du syndrome d'aliénation parentale. Alors là, c'était une grosse surprise parce que je pensais que c'était cantonné à quelques dizaines de fous furieux et je me rends compte que ce n'est pas le cas. Et plus grave encore, j'entends lors d'un débat auquel je répondais avec une magistrate, une juge aux affaires familiales françaises, j'entends cette juge dire « si, si, si, le syndrome d'aliénation parentale, cela existe et je le vois tous les jours dans mon bureau ». Alors là, je découvre qu'il y a un phénomène qui, du coup, n'est plus simplement réduit à quelques petites associations de quelques personnes, mais que ça fait même beaucoup plus large. Et je commence, suite à ces débats et à quelques prises de parole dans l'espace public, à recevoir des messages de mères qui m'expliquent leur situation et qui m'expliquent toujours la même histoire. C'est-à-dire que c'est toujours l'histoire d'un enfant qui, à un moment, a parlé. Alors, très souvent, d'ailleurs, pas à la mère, mais à l'école, à une maîtresse, à une nounou, à une babysitter, à une voisine, à un maître d'école, à un médecin, parfois avec des traces physiologiques autour des parties génitales. Il y a évidemment des actions qui sont entreprises par ces professionnels, comme il leur est d'ailleurs obligatoire de le faire, ce qu'on appelle des signalements. Et ces signalements donnent souvent l'occasion à la mère de porter plainte suite parfois à 2, 3, 4, 5, 6 signalements. J'ai des dossiers où il y a 6 signalements de professionnels. La plainte, généralement, est classée sans suite. Et le père qui est incriminé, qui est désigné par l'enfant qui se dit victime d'agression sexuelle, le père alors se retourne contre la mère et on explique, souvent avec l'aide d'experts qui ont toujours la même réponse, syndrome d'aliénation parentale, eh bien on explique que la mère est victime, elle objet, est coupable, parce que ça c'est très flou aussi, hein, on dit que c'est une maladie, mais en même temps ça devrait devenir un délit, enfin c'est pas très clair. Alors, en tout cas, il y a une aliénation parentale de la part de la mère, le papa est un pauvre, alors c'est extrêmement souvent le père, hein, ça peut être aussi le grand-père, l'oncle, mais souvent c'est le père, et ce père est innocent, c'est une victime, il devient une victime, parfois même il demande des réparations, et on applique ce que Gardner, dans ses théories délirantes, proposait, c'est-à-dire de séparer l'enfant de la mère. Gardner allait plus loin en disant qu'il faut envoyer l'enfant dans des prisons pour mineurs pendant quelques temps pour créer une sorte d'électrochoc, le couper de sa mère totalement et le remettre au père que l'enfant désigne comme son agresseur. Alors, j'ai commencé à recevoir des messages de mère et puis des dossiers. J'ai commencé à parler avec elles et beaucoup d'entre elles m'ont spontanément envoyé toutes sortes de pièces de justice qui étaient parfois absolument effarantes. C'est-à-dire qu'un procureur pouvait, sur la première page de son document, reprendre tous les signalements et avec force détail. Et quand on a fini de lire la première page, on se dit, le père, là, il va aller 15 ans en prison. Et puis on tourne la page et le même magistrat demandait un classement sans suite et parfois même des amendes pour la mère, parce qu'elle avait porté plainte plusieurs fois. Alors, j'avais donc accumulé une documentation sur le sujet très importante, et puis du coup, j'ai creusé pendant 10 ans, j'ai lu un certain nombre de choses, et moi, je ne voulais pas écrire ce livre. J'ai été voir des journalistes français pour leur dire, voilà, il y a un phénomène qui est très grave, qui touche, on ne sait pas combien, mais des milliers d'enfants. Personne n'en parle, c'est un gigantesque tabou. J'ai une documentation, j'ai des témoins, j'ai des pièces, j'ai des preuves, j'ai des contacts, j'ai tout ce qu'il vous faut, je vous offre ça, je vous le donne, et faites-en quelque chose. Je suis allé voir un certain nombre de journalistes, tous ont refusé. Alors, parce qu'on m'a dit qu'il n'y a pas d'actualité, ou parce que c'est compliqué, enfin, pour différentes raisons. Et puis un jour, je me suis dit, bon, il faut que je fasse. Donc, j'ai écrit ce livre, et donc, j'ai poursuivi un certain nombre de mes recherches, de mes questionnements, et je me suis rendu compte que cette histoire, elle était très ancienne, et que jusqu'au 19e siècle en France, il n'y a pas de pédocriminalité. Il y a de la pédophilie, mais il n'y a pas de pédocriminalité. La loi ne l'interdit pas. Tant qu'il n'y a pas d'autres formes de violence, tant qu'on ne frappe pas un enfant et qu'il faudrait même que ça se voit, tant qu'il n'y a pas des blessures, une relation sexuelle entre un adulte et un enfant, c'est quelque chose qui est impensé. Ça n'existe pas, ou ça existe et c'est toléré, mais en tout cas, la loi ne le réprime pas. Et dès que la loi le réprime en France, c'est en 1832, encore très, très modestement, immédiatement, on va avoir des médecins qui vont échafauder les théories. Il y en a certains qui sont célèbres. Alors, il y a une historienne française qui a travaillé pas mal sur ces questions-là, histoire de la pédophilie. C'est surtout sur le 19e siècle et début du 20e siècle, Anne-Claude Ambroise Redu. Et elle a mis en évidence un certain nombre de textes que je suis allé rechercher. Du coup, j'en ai trouvé d'autres, parce qu'il y en a beaucoup, où des médecins expliquent que quand un enfant dénonce une agression sexuelle, eh bien, en fait, il faut regarder du côté de la mère. Sans doute qu'il ne s'est rien passé, et c'est la mère qui, dans la vilenie hein, légendaire des femmes, eh bien, a mis une ruse en place pour se venger d'un mari gênant, d'un notable du village, d'un curé ou du maire, ou, etc., etc. Alors, il y a Docteur Toulmouche, il y a Dupré. Alors, Dupré, donc, au 19e siècle, lui, il donne un nom à cela. Ça s'appelle l'hétéroaccusation génitale. C'est exactement la définition qu'on donne aujourd'hui au syndrome d'aliénation parentale. C'est-à-dire que c'est la mère qui est la mère louve. Donc, on est vraiment dans tous les stéréotypes de la féminité les plus misogynes. La mère louve s'accapare ses enfants, veut écarter l'homme ou les hommes et invente donc à l'époque, ça commence à être un crime. Pour se faire. Et puis, cette tradition va se perpétuer. Et donc là, on est vraiment dans ce que j'appelle le déni. On dit, il n'y a rien à voir. Circuler, il n'y a rien à voir. Et puis, petit à petit, il va y avoir une deuxième couche, on va dire, de médecins qui vont prendre la parole, et ça, c'est plutôt à partir du début du XXe siècle, et qui vont prendre le contre-pied de cela, mais pour arriver à la même conséquence, d'une certaine manière. Eux vont dire, si, ça existe, bien sûr que ça existe, mais c'est très bien. C'est-à-dire que, en réalité, les enfants désirent avoir des relations sexuelles avec les adultes, voire même, dans les cas d'inceste, ce sont les filles qui provoquent leur père, ce sont les filles qui cherchent des relations sexuelles avec leur père, elles se mettent en compétition avec leur mère, etc., enfin, toutes sortes de théories. Et donc là, on n'est plus dans le déni, on est dans la légitimation. Et ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est qu'en fait, nos sociétés sont traversées par ces deux grands mouvements par rapport aux relations, aux agressions sexuelles, relations sexuelles qui deviennent des agressions sexuelles grâce au code pénal, qui deviennent des crimes et des délits. Viol, c'est un crime, agression sexuelle, c'est un délit. Et donc, avec deux grands mouvements, d'un côté le déni, de l'autre côté la légitimation. Et selon les moments de l'histoire et l'évolution de la société, eh bien, en fait, il y a toujours une des deux tendances qui a la possibilité de s'exprimer. Au dépend de l'autre, mais toujours avec le même résultat, des enfants qui sont victimes. Alors, la question que je me suis rapidement posée en écrivant le livre, c'est comment se fait-il que cette réalité soit autant documentée, c'est-à-dire que depuis les années 80, notamment au Québec, il y avait eu des grandes études, et puis en Grande-Bretagne, et puis il y en a eu dans tous les pays de l'OCDE, sur les agressions sexuelles d'enfants, on mesure des chiffres absolument affolants. Moi, je prends pour la France le chiffre de 6%, mais je suis très très très raisonnable quand je fais la synthèse des études qui existent, très raisonnable. 6% des enfants qui, avant la fin de leur adolescence, ont été ou seront victimes d'au moins une agression sexuelle ou d'un viol, et majoritairement dans le cadre familial, 6% des enfants, ça veut dire près de 2 enfants dans chaque classe d'école. Donc c'est un phénomène massif. Si vous prenez l'ensemble des enfants scolarisés en France aujourd'hui, ça fait 720 000 victimes. C'est massif, c'est gigantesque. C'est un phénomène donc, qui existe, qui est mesuré, dont on ne parle pas, dont on parle très peu. Ça commence à venir un tout petit peu, mais c'est très très long, on en parle très très peu. On en parle toujours à travers des affaires de faits divers, style Dutroux, etc., c'est-à-dire quand il s'agit de personnages qu'on peut montrer comme monstrueux au sens étymologique, donc qu'on désigne, mais comme étrangers à la société, au corps social, hein, mais qui n'entrent pas en résonance avec le fonctionnement du corps social. Donc, question que je me pose, c'est comment expliquer que, fin du XXe siècle, on ait un phénomène aussi bien documenté, aussi bien mesuré. Donc, je vous disais, 6% des enfants pour un pays comme la France, certains 18, presque de 2 enfants dans chaque classe d'école, victimes d'agressions sexuelles ou de viols avant la fin de l'adolescence, essentiellement dans le cadre familial. On en parle dans les faits divers. Ce qui se passe dans le cadre familial, on n'en parle absolument pas. Premièrement, malgré la quantité d'enfants touchés, victimes. D'autre part, dans un pays comme la France, la Belgique aussi, autour de 70, donc 70% des plaintes et signalements sont classés sans suite. Comment expliquer ça ? Très souvent, sans enquête. Et enfin, comment expliquer qu'il n'y ait pas de réaction dans le corps social ? Que ce soit un tel tabou, qu'il y ait un tel silence sur le sujet ? Donc ça c'est vraiment la question que je me suis posée. Et je pense que la réponse, on la trouve du côté de l'anthropologie. Et j'ai eu la chance de travailler un certain temps avec la célèbre anthropologue française Françoise Héritier, qui malheureusement nous a quittés. On a fait un coffret vidéo ensemble. Et alors si on remonte, alors Françoise Héritier, c'est elle qui a succédé à Lévi-Strauss au Collège de France, et il l'avait désignée, elle, comme son successeur. Alors, qu'apprend-on chez Françoise Héritier et d'abord, chronologiquement, chez Lévi-Strauss? Bah, d'abord, le fait que le premier acte qui crée les bases d'une société, d'une attitude sociale, c'est l'échange des filles. C'est-à-dire que les groupes de nos ancêtres sapiens, qui sont encore en Europe il y a plus de 200 000 ans, quand ils se déplacent, bon, ils sont nomades, ils sont sans doute encore charognards à cette époque-là, ils ne sont peut-être même pas encore chasseurs. Ils ont évidemment des relations sexuelles à l'intérieur de leur petit groupe, hein, donc évidemment l'inceste est quelque chose qui est tout à fait pratiqué, sans doute l'homosexualité aussi. Et puis à un certain moment, il va y avoir des échanges de filles entre des clans, entre des familles. Ça veut dire que c'est la première fois qu'il y a une action interfamiliale à l'extérieur de la famille, donc c'est le début de la société. Et pourquoi? Eh bien parce que quand on échange « je te donne ma sœur, tu me donnes ta sœur », nous voilà beaux-frères. Donc il y a un lien qui est ici entre nous, nous voilà beau-père, beau-fils. En tout cas, il y a un lien externe, mais presque proto-familial, qui tisse les premiers éléments d'une société. Donc ça veut dire quand même, quand on voit ça, que le fondement de notre société, c'est la propriété du corps des filles par les hommes, puisque ce sont les hommes, évidemment, qui échangent, en tout cas les groupes, au départ. Ce que Lévi-Strauss décrit bien, c'est que cela donne évidemment immédiatement lieu à l'interdiction qu'on se donne d'utiliser sexuellement soi-même les propres filles qu'on va échanger, parce qu'elles perdraient de leur valeur. Et donc, l'interdiction de l'inceste, il vient de là. Non pas dans un but moral, parce qu'à l'époque, ce n'était pas encore l'objet, mais dans un but utilitariste. Aujourd'hui encore, Lévi-Strauss décrit des sociétés de type cueilleur-chasseur d'aujourd'hui, à qui on pose la question, on dit « mais pourquoi tu n'as pas de relation sexuelle avec ta sœur ou avec ta fille ?» Et la réponse qui est donnée, c'est « mais tu es fou, pourquoi je me passerais d'un beau-frère » Parce que avoir, quand on vit dans des situations aussi précaires, aussi difficiles, avoir des alliés, avoir des alliances, c'est quelque chose de très utile. Donc les femmes deviennent monnaie d'échange. Donc les hommes possèdent le corps des femmes. Première chose. Alors je vous la fais très rapide. Françoise Héritier a montré de quelle manière il y a deux grandes lois qui se sont tissées à cette époque. La première étant la hiérarchisation du masculin et du féminin, pas seulement des hommes et des femmes, mais du masculin et dans tout ce qu'il comporte, y compris sur le plan conceptuel, c'est-à-dire le haut, le chaud, l'extérieur, le transcendant, etc., hiérarchiquement supérieur au féminin, avec tous les concepts pendant, c'est-à-dire le mouillé, le bas, l'intérieur, l'immanent, etc., etc. Vous pouvez remarquer que tous nos concepts sont binaires, ils sont organisés de cette manière-là, avec une hiérarchie. Premier point. Deuxième point, il y a une hiérarchie entre celui qui est né avant et celui qui est né après. Celui qui est né avant est hiérarchiquement supérieur à celui qui est né après. Vous pouvez remarquer que dans l'histoire, les successions royales se font toujours avec le frère aîné. Le frère aîné, celui qui hérite, c'est celui qui hérite du pouvoir, c'est celui qui hérite de l'héritage. Le grand-père a autorité sur le père qui a autorité sur le fils. Et donc, quand on croise ces deux règles, celui qui est né avant et la hiérarchisation entre le masculin et le féminin, eh bien, évidemment, ça nous donne la première règle de structuration sociale qui est bah, celui qui est né avant et qui est masculin, bah, c'est le père. Et donc, là, le petit groupe, la petite cellule de construction de la société, elle est régie par ce roi de cette cellule qui est le père. Alors que je différencie moi du papa. Le papa, c'est le parent qui éduque, qui soigne, qui prend soin. Et quand je dis le père, c'est au sens politique. C'est une position politique sur la famille. Et puis les sociétés vont s'étoffer et on va avoir du père partout, mais toujours de la même manière. Alors en bas de l'échelle, c'est le père sur sa famille. Tout en haut, on a le souverain qui peut être en roi. Dans la tradition française, on disait que le roi était le père de ses sujets. Donc, il devait à la fois avoir une autorité sur eux et les protéger. Et puis, le roi est remplacé par le président de la République, qu'on surnomme le père de la nation. Vous avez aussi, aux États-Unis, on parle de père fondateur. Vous avez, dans la tradition paternaliste, les patrons qui sont considérés comme des pères. Et puis, vous avez tout le vocabulaire qui va avec, le patrimoine, la patrie, etc. Et donc, on voit que toute cette hiérarchisation absolument verticale qui va du roi jusqu'au père, et puis si on monte encore plus haut, eh bien on a le père supérieur, le père suprême qui est Dieu. Dans les monothéismes, on parle du père quand on parle de Dieu, avec les représentants qui sont des pères spirituels, qui sont les curés, les rabbins, etc. Le curé, traditionnellement, on l'appelle mon père. on parle de père, hein, les pères supérieurs, etc. Et le mot abbé veut dire papa en araméen, de même que pape veut dire père en latin. Donc, comme on le voit, le père est devenu une fonction politique qui, non seulement a autorité, a le pouvoir sur la nation, sur la patrie, mais ou bien sur la famille, selon l'endroit où il se trouve, ou sur les esprits, s'il est curé, mais c'est aussi celui qui possède le corps. En France, il a fallu attendre les années 70, les années 70, pour qu'il y ait une loi qui interdise le viol conjugal. C'est-à-dire que jusque-là, l'homme pouvait disposer sexuellement du corps de sa femme, la loi n'avait rien à y redire, puisqu'il était propriétaire du corps de sa femme. Et d'ailleurs, Napoléon Bonaparte, qui n'a pas été l'auteur, mais celui qui a poussé à l'écriture du Code civil, il le disait lui-même en toutes lettres, il disait « Les enfants et les femmes sont les propriétés des hommes et des pères, exactement comme le fruit et l'arbre sont propriétés du jardinier. » C'est-à-dire que la femme est un outil de reproduction, ça c'est ce qu'on a pensé dans toutes les sociétés, c'est l'homme qui se reproduit, et l'homme est propriétaire du corps des femmes, mais on a oublié de dire « et des enfants », parce que c'est un tabou. Et donc, toute la pensée féministe s'est beaucoup orientée vers cette question de la propriété du corps des femmes, mais en réalité c'est du corps des femmes et des enfants. C'est exactement la même chose, c'est exactement le même contexte. Et donc, les hommes qui agressent sexuellement des enfants, voire leurs enfants, eh bien, ils ne font qu'actualiser un droit archaïque qui consacre cette propriété du corps des enfants. On voit bien que la prise de conscience de tous ces phénomènes, elle est extrêmement récente. On a du mal à imaginer aujourd'hui qu'au XIXe siècle, par exemple, on n'imaginait pas qu'il pouvait y avoir des blessures psychiques. Donc, des blessures physiologiques, ça oui, quelqu'un avait été blessé, il pouvait rester boiteux, mais on n'imaginait pas que ça fonctionnait de la même manière pour l'esprit. Et donc, des enfants qui étaient victimes, qui étaient agressés, ce n'était pas très grave, ça allait passer, et puis ils deviendraient des adultes, et puis ça faisait partie de la vie, et de toute façon, personne ne s'en plaignait parce qu'on ne parlait pas de cela. Il y a un film très intéressant, un documentaire qui est sorti récemment, qui s'appelle M, la lettre M, et qui montre le phénomène dans le milieu ultra-orthodoxe juif à Jérusalem, et qui montre, qui fait apparaître petit à petit au cours du film que finalement, tous les enfants, quasiment tous les garçons en tout cas, parce que ce monde-là est très séparé entre garçons et filles, mais tous les garçons qui passent leur temps avec des rabbins, quasiment tous ont été violés, et en fait tous les adultes aussi, tous les hommes adultes eux-mêmes ont été violés et deviennent violeurs, et grosso modo le film laisse entendre qu'il y a peu d'exceptions. Et donc on voit bien là que ce sont des schémas très archaïques qui sont là, qui ne disent pas leur nom, et voilà pourquoi aujourd'hui il est tellement difficile de remettre en question, et c'est le dernier point sur lequel je viendrai, pourquoi il est tellement difficile de remettre en question ce phénomène. Alors, le problème, j'ai essayé de le prendre à l'envers. C'est-à-dire, on pourrait se dire, mais pourquoi ça ne change pas? Et ne trouvant pas de réponse à cette question, je me suis dit, il faut prendre la question à l'envers et se dire, si ça changeait, qu'est-ce que ça occasionnerait? Quelles seraient les conséquences? Et en fait, c'est là qu'on voit où est le problème, où se situe le problème aujourd'hui. Pourquoi? D'un coup de baguette magique, les tribunaux, la justice, se mettaient à prendre au sérieux tous les signalements, les agressions sexuelles, les viols d'enfants, il y aurait ce que j'appelle des coûts. Trois types de coûts. Alors le premier, il est économique. Je vous disais tout à l'heure, pour la France, si on ne prend que les enfants scolarisés aujourd'hui, c'est 720 000 victimes, 6% de ces enfants. 720 000 victimes. Alors on peut juger les cas passés, encore 20 ans. Donc ça veut dire qu'il faut multiplier par 2, 1 500 000 victimes. Évidemment que la justice française n'a pas les moyens de prendre en charge d'un coup, même sur 10 ans, 1 500 000 victimes. C'est inimaginable. La justice en France, en Belgique et dans d'autres pays de l'OCDE a des budgets ridicules. Dans les deux pays que je viens de citer, on peut même dire que c'est un état de misère. Et donc, voilà un coût qui est très important et qui fait que le politique ne s'y intéresse pas parce qu'il sait très bien, il sent bien, c'est pas machiavélique, mais il sent bien que dès qu'il va mettre le doigt là-dedans, il va mettre en mouvement une problématique qui va être extrêmement coûteuse. Cela dit, on voit bien que même quand les phénomènes ne sont plus tabous, la violence conjugale par exemple, on voit bien que depuis 10 ans en France, les choses ont beaucoup changé, on en parle énormément, il y a énormément de programmes de télévision qui en parlent, qui n'en parlaient pas. ce n'est plus, on peut plus dire que ce soit un tabou aujourd'hui en tant que phénomène social. Et pourtant, il n'y a toujours eu aucune mesure politique forte, financièrement assise, pour faire quoi que ce soit, c'est-à-dire pour accueillir mieux les femmes, pour mieux les protéger, pour mieux former les policiers. Grosso modo, la situation ne change pas, malgré la prise de conscience. Mais donc, le politique sent bien que la prise de conscience, elle est dangereuse. En tout cas, on n'est pas attiré par ça. Et puis, d'un point de vue électoral, il n'y a rien à y gagner. Premier point. Deuxième coup, c'est le coup culturel. Dire dans nos sociétés qui sont quand même toujours très judéo-chrétiennes et toujours très patriarcales dans cette verticalité de l'organisation sociale, dire l'endroit où les enfants sont le plus en danger en termes d'agression sexuelle et de viol, c'est la famille, et que dans la plupart des cas, alors 98% des agresseurs sont des hommes, et dans plus de la moitié des cas, ce sont des pères des enfants, c'est remettre en question ce qui est considéré par une grande partie de la population comme l'endroit, la famille, où on est en sécurité, où on est protégé, et ce qui reste le socle, la brique élémentaire de construction de tout l'échafaudage social. Et donc, il y a un coût culturel. Admettre ça, c'est extrêmement coûteux. Je vous rappelle que dans un pays comme la France, quand on a parlé du mariage pour les homosexuels, on a eu 500 000 personnes qui sont descendues dans la rue pour dire « Non, on veut… » Il y avait des gens qui se baladaient avec des panneaux en disant « On veut des stéréotypes. On veut des femmes qui soient des femmes, des hommes qui soient des hommes, et des enfants qui aient un papa et une maman. » Donc, ce modèle-là, il est extrêmement difficile de le faire bouger, parce que quand on le fait bouger, ben, on l'a vu tout à l'heure, cette question de la verticalité, on touche à la famille, on touche à toute la société. On fait trembler l'ensemble du plan de l'architecture sociale. Troisième coup, il est psychologique. Alors, ce coup, c'est celui qui consiste à, pour un individu, à se dire, oui, il y a dans la société dans laquelle je vis, à laquelle je participe et que je co-construis, il y a 2% d'hommes qui sont susceptibles de passer à l'acte avec des mineurs, en termes d'agression sexuelle ou de viol. Il y a 6% au moins d'enfants qui sont victimes. Ça veut dire que je connais des victimes, ça veut dire que je connais probablement des agresseurs. Moi qui vous parle aujourd'hui, eh bien, j'ai découvert une chose assez sordide à propos de quelqu'un que je connais aujourd'hui et que je n'aurais pas soupçonné. Est-ce que je peux confier mes enfants à un voisin? Est-ce que je peux confier mes enfants à un ami, à un collègue? Est-ce que je peux confier mes enfants à un ami, à un frère? Après tout, à qui faire confiance? Le coup psychologique, il est très lourd, parce qu'il n'est écrit sur le front de personne qu'il est un agresseur pédocriminel. Donc ça veut dire que lever ce tabou, c'est soulever une peur, évidemment, qui est une peur parfaitement légitime. Alors, il y a des gens, j'ai un chapitre là-dessus dans le livre, qui théorisent, qui appellent ça la pédophilie, qui disent « oui, mais on devient hystérique, on voit des pédophiles partout ». On a les chiffres. Donc, il y a un coût économique, un coût culturel et un coût psychologique. Et je pense que ce sont ces trois freins qui font qu'aujourd'hui, on n'entend pas la parole des victimes, mais en plus, les victimes s'expriment peu. Très souvent, les victimes s'expriment 20 ans ou 30 ans plus tard. Le cas que j'ai découvert aujourd'hui, c'était il y a 20 ans. Infants, en latin, qui veut dire enfant, ça veut dire littéralement qu'ils ne parlent pas. Les enfants ne pétitionnent pas, ils ne manifestent pas, ils ne participent pas à des associations, ils ne votent pas, et donc ils souffrent en silence. Voilà ce que je voulais vous dire dans un premier temps. Merci beaucoup, Patrick. Alors, dans le fond, je vais laisser Mélissa parler maintenant. À moins que tu veuilles que je te présente, Mélissa, mais je pense que tu peux te présenter aussi toi-même, puis sûrement que tu as plein de choses à dire par rapport à ce que Patrick vient de dire. Bien, d'abord, merci à toi, Christian, pour l'invitation. Ça me fait extrêmement plaisir d'accompagner Patrick dans la présentation de son livre, parce que c'est le rôle que je me donne, en fait, vraiment de l'accompagner dans ce qu'il nous propose. Je vais prendre la parole, mais très rapidement, puisque récemment, j'ai consulté des études sur le taux de concentration maximum sur ce type de plateforme de type Zoom ou Skype ou maintenant Jitsi, et c'est d'environ une demi-heure. Donc, je laisserai aussi la place aux échanges, question de maintenir, dans le fond, le fil et la concentration des gens. Quelques mots seulement. j'aimerais repréciser ce que c'est que le masculinisme, parce que Patrick en a parlé de son terrain, a parlé de ses échanges, son infiltration auprès des milieux masculinistes, mais je ne prends pas pour acquis que tout le monde ici sait ce que c'est. Pour moi, pour nous, pour plusieurs, le masculinisme, en fait, c'est une forme d'antiféminisme. Une forme d'antiféminisme qui s'appuie sur un discours de fond, qui est celui de la crise de la masculinité. C'est un antiféminisme qui croit que les femmes, aujourd'hui, domineraient de façon parfois subtile, d'autres fois plus ouverte, domineraient les sociétés, diverses sociétés, le Québec, le Canada, l'Allemagne, la France, la Belgique, etc. Et ces femmes seraient parvenues au pouvoir grâce aux luttes féministes. Donc, quand on s'en prend au féminisme, c'est vraiment en vue de s'approprier ou de revenir à un statu quo, dans l'espoir, en fait, de retrouver une place où que les hommes hétéros, ces genres blancs pour la plupart, retrouvent une place qu'ils estiment, eux, perdue. En fait, Patrick nous montre bien, avec la présentation de son livre, que cette place, elle semble pas du tout perdue, mais pour eux, cette place, elle est perdue. Donc, c'est une forme d'antiféminisme qui côtoie d'autres formes d'antiféminisme, que ce soit les formes plus conservatrices. Patrick parlait de la manif pour tous. C'est un peu plus près d'un antiféminisme conservateur, qui s'en prend davantage au mouvement LGBTQI, au sens où ce qu'on veut, c'est justement un rappel à la famille traditionnelle, largement fantasmée, parce que historiquement ou dans d'autres époques, évidemment la famille traditionnelle nucléaire, comme on la connaît aujourd'hui, n'était pas tout à fait la même. Et donc, une forme plus conservatrice qui s'en prend au choix des femmes à disposer de leur corps en matière d'avortement, de poursuite de grossesse, etc. Et qui sont ces masculinismes? On a parlé ici, au Québec, des groupes qui, au début des années 2000, étaient très virulents, en fait. Virulents au sens où ils s'en prenaient directement aux féministes dans les organisations, qu'ils portaient plainte en justice, qu'ils ont fait, certains d'entre eux aussi, même des tentatives d'entrée par infraction, des menaces, etc. Mais si on pense le masculinisme comme uniquement sous cette loupe de militants virulents, ça nous empêche de voir toute la forêt qui se cache derrière, c'est-à-dire ces intellectuels, ces chercheurs, ces intervenants sociaux qui, selon une recherche que j'ai menée, prennent davantage la place autour des années 2010 au Québec. Et ces intervenants, justement, ne vont pas crier dans l'espace public que les féministes, elles ont exagéré, que les hommes sont castrés. Ils sont beaucoup plus subtils, du moins c'est ce que le mouvement féministe québécois témoigne. Et d'où la difficulté aussi de dénoncer. Dénoncer lorsque, en matière de violence sexuelle, ils font reculer les luttes que les féministes mènent depuis maintenant plus de 30 ans sur la question, justement, du caractère criminel et non pas naturel des violences masculines contre les femmes et les enfants. Et c'est là où un ensemble d'intellectuels, on a parlé de Richard Garner justement, qui a développé cette théorie de l'aliénation parentale, qui va justement justifier les agressions sexuelles commises sur enfants dans une même famille, puisque il dit que cette aliénation parentale, donc cet endoctrinement de l'enfant par la mère, est justement souvent le produit des mères contre les pères. Et là, Richard Garner, on peut se demander aussi, et je vous invite à consulter la vidéo que Christian a gentiment mis en ligne sur son site, sa page Facebook, mais Richard Garner a toute une conception de la sexualité, et c'est là où véritablement on peut oser parler de théorie pédocriminelle. Au sens où ils pensent que les femmes sont génétiquement programmées pour être agressées sexuellement. Ils pensent que les mères sont génétiquement programmées pour inventer des agressions sexuelles en vue de protéger leurs enfants. Et là, je vous passe les détails. Comme je vous dis, je vous renvoie écouter une vidéo. Et pourquoi, justement, face, lorsque je présente Richard Garner, lorsque je présente vraiment son schéma théorique dans lequel s'inscrit l'aliénation parentale, j'ai souvent, tout comme Patrick, des réactions très vives dans la salle de gens qui disent « Oui, mais nous, on y tient à l'aliénation parentale. » Et souvent, ce sont des intervenantes sans jeunesse, des intervenantes de protection de l'enfance. Et ce que je trouve extrêmement désolant, c'est que je comprends que ces intervenants aient besoin d'outils. Ou on me dit que c'est généralement les pères qui tentent justement, dans un contexte de violence conjugale évidemment, de s'approprier l'enfant pour nuire à la mère. Donc, tout ça intervient dans un cycle de violence conjugale. Sauf qu'on reprend justement cette aliénation parentale à l'identique sans même questionner à quoi sert cette aliénation parentale, c'est-à-dire ce concept, même si on cherche à faire le bien avec, il est dangereux. Il est dangereux parce qu'il est justement constamment utilisé pour nuire aux mères et surtout, faire violence aux enfants qui dévoilent une agression sexuelle. Faire violence en le silenciant, en ne le croyant pas. Et ça, c'est problématique. Donc, j'ai envie seulement de répondre, et je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui interviennent auprès des enfants, mais j'ai uniquement envie de répondre qu'il existait, avant la théorie de l'aliénation parentale de Richard Garner, des termes, des concepts, des protections légales. Certes, protection légale insuffisante. Protection légale, insuffisante, dis-je donc. Mais on parlait de maltraitance psychologique des enfants. On pense que parce que Richard Garner a proposé la théorie de l'aliénation parentale, c'est comme si c'était une nouveauté et que tout d'un coup, on se préoccupe du sort des enfants. Mais en fait, on peut revenir à ces anciennes façons de parler de maltraitance, justement, en quittant, je m'égare un peu, là, mais je résume et je conclue là-dessus, en quittant la théorie de l'aliénation parentale pour revenir juste à des mots simples, des mots qui sont compris par tout le monde et qui veulent dire beaucoup, c'est-à-dire violence à l'endroit des enfants, pédocriminalité et maltraitance psychologique et physique. Et ça, ça nous permettrait justement de laisser l'aliénation parentale là où il doit être, c'est-à-dire du côté des antiféministes et du côté aussi des gens qui cherchent à justifier les violences sexuelles commises contre les enfants. Je m'arrêterai ici pour vous laisser la place et répondre aussi, accompagner Patrick dans la réponse aux questions. Okay. Je vais ouvrir à la période des questions vraiment très bientôt. J'ai une question par rapport à la question de la violence conjugale. Comment est-ce que le concept d'aliénation parentale est aussi utilisé dans les violences faites aux femmes autres que sexuelles? C'est la menace faite contre la mère. C'est soit une menace, c'est-à-dire que dans les différents témoignages que j'ai recueillis, il y a parfois, dans la dynamique de violence, un homme qui va dire à sa conjointe, « Si tu me quittes, tu sais très bien que je peux t'enlever les enfants. » Donc déjà, c'est mobilisé sous forme de menace. Ensuite, lors de la séparation, on sait très bien, les maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales l'ont démontré et répété année après année, on sait très bien que après séparation, il y a une exacerbation de la violence. Et là, on peut utiliser l'aliénation parentale en cours, au tribunal, pour justement faire mal à la mère, nuire à la mère et vouloir justement maintenir un contrôle post-séparation. Voilà. Dans les années 60, une autre question. Dans les années 70, il y a eu tout un mouvement d'appui au fait qu'on diminue l'âge du consentement sexuel, qui était aussi des plaidoyers plutôt pro-pédophiles. Qu'est-ce que vous savez qui en reste aujourd'hui de tout ça? La question m'est posée, Christian? Personne. Ben, si tu veux, je peux y répondre. Je ne suis pas entré dans le détail, mais c'est vrai que quand j'opposais légitimation et déni, la grande période de légitimation, c'est évidemment les années 70 et 80. Alors, en France, il y a eu un scandale récemment parce que il y a eu le livre d'une femme qui a été victime d'un auteur célèbre, Maznev, dans les années 70 et 80. Et il se fait que ce Maznev, il est très, très, très, très connu, parce que toute sa littérature, ce sont des journaux intimes dans lesquels il raconte tout ce qu'il appelle des relations d'amour avec des enfants, garçons et filles, avec moult détails. Donc, il ne s'est jamais caché, il n'a jamais été inquiété par la justice. Donc, il y a eu toute une affaire récemment et la France a redécouvert ce qu'était ce problème des agressions sexuelles d'enfants dans les années 70 et 80. En fait, ce n'est pas du tout la France, c'est tout l'Occident. J'ai répertorié tous les associations et périodiques pédophiles ou pro-pédophiles de cette époque. Il y en a dans tous les pays. Il y en avait deux, il y en a eu quatre en France, il y en a eu deux en Belgique, il y en avait au Canada, il y en avait aux États-Unis, dans tous les États américains, il y en avait en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, il y en avait là, c'était un peu la Mecque pour les pédocriminels. C'est une mouvance qui a profité en fait de la libération des mœurs après 68. Et donc, des demandes qui étaient légitimes pour des femmes, pour les homosexuels, ils se sont collés, ils ont reproduit le modèle en disant « mais nous aussi ». Et comme il y avait cette idée qu'il ne fallait rien interdire, qu'il fallait libérer tout le monde, eh bien, il y a eu cette grande mouvance qui a emporté tous les intellectuels français, mais pas que français, et une grande partie de la gauche, tous les écologistes en Allemagne jusqu'au milieu des années 80, par exemple, pour dire, eh bien oui, après tout, les enfants ont le droit aussi à avoir une sexualité, pourquoi pas avec les adultes. Et donc, il était pudibond, il était puritain de remettre en question cette idée-là. Et c'est comme ça que des pétitions demandant, d'une certaine manière, la légalisation des rapports sexuels entre adultes et enfants, on peut le dire comme ça, ont été signées par tous les intellectuels français, y compris Simone de Beauvoir. Ce qui nous donne une idée de la place que cette idéologie de la légitimation prenait à cette époque-là. Alors, j'ajouterais une chose. Je vais déplacer la discussion dans un autre contexte qui est celui des États-Unis d'Amérique. Parce que pendant qu'il se passe ceci en France, il se passe autre chose aux États-Unis. Aux États-Unis, on a un vaste mouvement, une lutte importante contre les violences sexuelles, incluant les violences sexuelles contre les enfants. Et ce que nous dit Meyer, qui est professeur à Harvard, qui est juriste professeur de droit à Harvard, il nous dit c'est pas étonnant que la théorie de l'aliénation parentale aux États-Unis intervient en cours dans les années à peu près 80 et que ça attire énormément l'attention. Pourquoi, nous dit-elle, c'est parce que c'est à ce moment que les tribunaux, voyant le nombre de cas de violence à l'endroit des enfants et ne sachant plus comment faire justice, commencent justement à s'intéresser aux théories féministes. Et nous dit, pour ramener les choses à leur place, pour créer ce rapport de force à l'endroit ou contre les féministes, on mobilise des nouvelles théories pour justement ramener, comme le livre de Patrick le dit, la loi du père. Et c'est plutôt dans le cadre de ce rapport de force qu'on ramène en fait des vieilles conceptions de la sexualité aussi aux États-Unis, du moins au Canada, c'est la même chose. Comme un continuum patriarcal dont parlait Patrick, qui était aussi parlé, Mélissa, par rapport aux agressions sexuelles, puis aux justifications aussi des agressions sexuelles et des viols, etc. Quelles sont les meilleures façons de faire face à tout ça que vous avez vu dans le passé ou présentement? Sur le plan individuel ou collectif? Les deux. Alors, moi, je ne peux pas parler pour le Québec, je peux parler que pour la France et la Belgique. Sur le plan individuel, c'est abominable. Moi, il y a souvent des maires, là, je reçois quasiment tous les jours ou tous les deux jours des messages de maires que je ne connaissais pas ou de victimes et qui me racontent encore une fois toujours cette même histoire. Et je ne sais pas quoi leur dire parce qu'il n'y a rien à faire. C'est très compliqué quand un tribunal, en première instance et puis en appel, un juge aux affaires familiales et puis un juge des enfants décide qu'une mère est l'objet de d'aliénation parentale et que le pauvre père est une victime et qu'il faut placer l'enfant ou qu'il faut le remettre à son père, il n'y a pas de recours derrière. Il n'y a pas de recours. Ces femmes ne peuvent rien faire. Alors, il y en a certaines qui vont à l'étranger, qui partent à l'étranger avec leurs enfants. Ça a été dénoncé dans un rapport de l'ONU d'ailleurs, hein, qui a montré combien de femmes françaises partaient en Suisse, mais sur le plan individuel, c'est très compliqué. Sur le plan collectif, moi j'ai la sensation qu'on ne peut espérer une transformation sociale qu'à partir du moment où on la prend en compte et à partir du moment où on l'a à l'esprit. Et donc, il a fallu à la fois des mesures dans des phénomènes comme la violence conjugale et toutes les luttes des associations politiques, féministes, pour dénoncer ça, pour que finalement, à force de, je vais dire vulgairement, de casser les pieds, que finalement ce soit petit à petit entendu, je pense que c'est le même phénomène. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut dire ces choses-là, il faut rendre public. Moi, vous savez, dans mon livre, il n'y a pas... Je ne fais que, dans le chapitre sur les études et sur les analyses, je ne fais que rapporter ce qui existe déjà. Il faut le faire voir, il faut le faire savoir pour que petit à petit, les gens parlent et que ça entre dans l'idée, qu'on accepte l'idée que le phénomène existe. Tant qu'on n'accepte pas l'idée qu'il y a 6% des enfants qui sont victimes, eh bien, il n'y a pas de raison qu'on trouve une solution. Je suis d'accord et j'ajouterais qu'il y a tout de même un travail politique qui se fait ici. Je sais que les deux grands regroupements maisons d'hébergement font un travail impeccable pour sensibiliser les élus aux problèmes que pose l'utilisation, malgré le fait que le syndrome d'aliénation parentale ne soit pas reconnu par aucun ordre de psychologue. Mais bref, il est utilisé à mot couvert, il est utilisé de façon subtile, donc ils font la représentation. J'aimerais aussi saluer le travail des chercheurs Isabelle Côté, Simon Lapierre notamment, qui travaillent sur les problèmes que pose l'aliénation parentale. Et je pense que c'est de multiplier ces efforts. Multiplier les espaces où on en parle, où on sensibilise. Et comme Patrick, ce qui me porte également, c'est la parole des victimes, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup de femmes à qui ça arrive. Et c'est bien qu'elles puissent aussi, dans le fond, j'allais dire trouver l'espace, mais multiplier les espaces où elles peuvent également dénoncer ce qui leur arrive. Et ça, c'est complexe parce que je sais aussi que les femmes qui sont victimes d'un homme agresseur qui va les accuser d'aliénation parentale, ben, si elles dénoncent le père, quoi, c'est un servicieux parce que si ça se sait au tribunal, on va dire voilà la preuve que madame est aliénante. Donc, elles sont prises le temps du procès qui peut durer des années dans cette espèce de sable mouvant. Et je pense que multiplier la parole, c'est aussi permettre à des interlocuteurs qui ne sont pas visés par cette violence de pouvoir également dénoncer. Patrick montre dans son livre qu'il y a des femmes qui sont enfermées, arrêtées, emprisonnées pour soi-disant aliéner leurs enfants. Est-ce que ça se fait au Québec aussi? Parmi les les témoignages que j'ai reconnus auprès des intervenants qui interviennent auprès des femmes victimes de violences conjugales et des enfants, le simple fait, dans certains cas, le simple fait de vouloir trouver protection auprès d'une maison d'hébergement, c'est pour le tribunal ou pour la protection de l'enfance le signe que madame est aliénante, puisque dans l'intitulé de la maison, il est marqué « maison femme victime de violences conjugales ». Donc, ça, c'est déjà un problème. Un problème... J'ai perdu le fil de la question. Est-ce que tu peux... Finalement, il y avait des gens qui, selon le livre de Patrick, et ben, selon pas seulement le livre, mais les faits, il y a des femmes qui sont arrêtées et emprisonnées pour avoir soi-disant aliéné leurs enfants. Est-ce que ça se fait ici au Québec aussi? Je ne peux pas me prononcer sur la question. Il faudrait demander aux femmes qui travaillent auprès des victimes. J'ai donné ici un exemple, en fait, de situation où, justement, on cherche à les accuser d'aliénation parentale simplement parce qu'elles trouvent refuge. Et non, je ne peux pas répondre avec justesse à la question, Christian. OK, ben c'est pas grave. Si quelqu'un a la réponse, il pourrait toujours l'écrire dans le chat. Exact. Donc, on va ouvrir la question la salle, là, aux gens qui sont là, mais je vais commencer par prendre une question. D'ailleurs, si vous voulez intervenir pour une question oralement, il faut lever la main qui est située en bas à gauche, comme j'avais dit au début. Donc, il y a une petite main. Quand on clique là-dessus, ça veut dire qu'on veut prendre la parole. Donc, si vous voulez prendre la parole, je vous inviterai à cliquer sur la main. Mais vous pouvez aussi écrire les questions sur le chat, puis je vais les lire. Donc, puis il y en a déjà une question dans le chat. Il y a Marina qui écrit « Bonjour, merci pour cette intervention. Avez-vous des chiffres sur le pourcentage de personnes voyant leur plainte classée sans suite qui se constitue partie civile et sur les débouchés de cette démarche? » Alors, personnellement, non, ça, je n'ai pas ce chiffre. Et je ne pense pas qu'il existe. Je ne pense pas qu'on puisse l'obtenir. C'est des chiffres qui sont parfois compliqués à obtenir. En Belgique, par exemple, le taux de classement sans suite, je ne l'ai pas trouvé dans ce cadre-là. En France, il y a un consensus pour dire que c'est autour de 70%. Après, combien se porte partie civile, ça, je n'en sais rien. En tout cas, dans tous les dossiers que j'ai consultés, j'ai trouvé aucun exemple. Mélissa, est-ce que toi, tu connais des chiffres par rapport à ça? Ben, c'est parce que je ne peux pas répondre à la question. On n'a pas le même système de justice. Alors ici, se constituer partie civile, ça ne fait pas partie de la justice. C'est-à-dire, c'est la reine. En fait, on est une monarchie constitutionnelle. Donc, c'est la reine qui accuse. Et ça, c'est au criminel. Mais après, quand il y a deux parties... Je crois pas, justement, c'est pas du tout le même système. Donc, se constituer ensuite comme partie civile, il faudrait que je traduise avec la justice ici, ça serait de dire après une personne qui va porter plainte contre son conjoint. Non, en fait, j'ai pas les chiffres. Merci. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut poser une question oralement, donc, vous pouvez cliquer sur la main. Sinon, vous pouvez aussi l'écrire dans le chat. Et je vous demanderai de fermer vos micros, sauf pour les personnes qui parlent. Merci. Est-ce qu'il n'y a pas de questions? Il n'y a personne qui a une question qui écrit dans le chat. Bonjour, merci pour cette présentation. En France, la psychanalyse conserve une grande place dans le suivi des enfants. Freud a fait l'hypothèse que chaque enfant éprouve un désir sexuel envers l'un de ses parents, complexe d'Oedipe. Peut-on considérer cette théorie comme une tentative de légitimation de l'inceste? Patrick ou Mélissa, est-ce que vous pouvez répondre à cette question-là? Moi, je pense que ça fait partie du problème. Le fait aussi que la psychanalyse, elle a inspiré d'autres types de, disons, de spécialités ou de courants de la psychologie. Mais on y retrouve ce fondement du désir de l'enfant pour son parent dans plusieurs autres courants de la psychologie. Et moi, ce qui m'a intéressé le plus, c'est la psychologie évolutionniste parce que c'est le courant dans lequel s'inscrivent plusieurs théories masculinistes. Et la psychologie évolutionniste, comme je le mentionnais précédemment, disons que Richard Gardner s'en inspire largement ou s'y inscrit largement pour parler d'une programmation génétique pour les femmes d'être agressées ou d'être agressées. Et là, attention, ce que je veux dire, c'est extrêmement toxique. Mais par exemple, Gardner va dire que justement, le fait de recevoir du sperme, c'est un don. Et donc, les femmes, justement, sont prêtes génétiquement à comment dire, j'essaie de le paraphraser comme il faut, mais sont prêtes à n'importe quel type de comportement, si je résume, pour justement pouvoir recevoir ce sperme. Et Freud a aussi, quand je parle de lignée, ce n'est pas la psychanalyse, ce n'est pas à l'identique des théories de Freud, mais Freud a aussi parlé justement du feu, comme quoi les femmes avaient admis leur infériorité à partir du moment où, dit Freud, elles ont vu que les hommes étaient capables d'éteindre un feu avec leur phallus. Donc, ici, on a du moins le fondement d'une théorie franchement patriarcale, sexiste, et qui, encore une fois, va teinter les concepts freudiens. Patrick, tu veux ajouter quelque chose là-dessus? Oui, moi je ne suis pas du tout spécialiste de cette question. Ce que j'ai lu à maints endroits chez des spécialistes, c'est qu'on a fait dire à Freud un certain nombre de choses qu'il n'a pas dites. Et qu'on a extrapolé à partir de certains de ses textes, certaines de ses phrases. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, il faut se dire que Freud, il écrit fin 19e siècle. Alors, il faut le lire comme un auteur qui écrit des textes au 19e siècle. Donc, effectivement, dans une société extrêmement patriarcale, il n'y a pas de doute là-dessus. Il essaie de comprendre un certain nombre de choses qu'il ne comprend pas parce qu'il n'a pas les outils à sa disposition à son époque. En revanche, ce qui est beaucoup plus grave, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas depuis la fin de la deuxième moitié du XXe siècle, on a des tas de théoriciens qui ont à leur disposition des outils pour comprendre comment structurellement, systémiquement les choses fonctionnent, mais qui font fi de cette connaissance pour continuer à affirmer des horreurs. Alors je prends par exemple Françoise Dolto, qui est quasiment intouchable en France. Hein. C'est une pédo. Elle est pédiatre et psychanalyste. Et donc, elle a eu une émission à la radio pendant des années. Elle était considérée comme la grande psychanalyste des enfants. Elle a amené sans doute un certain nombre de choses, mais elle a aussi légitimé très, très, très clairement l'inceste en expliquant que c'était les filles qui le demandaient et que quand il y avait une agression incestueuse, c'était la faute de la fille, c'était la fille qui avait tenté le père, c'était la fille qui l'avait voulu. Etc., etc. Donc ça, c'est pour moi, Freud, c'est pas vraiment la question, parce qu'encore une fois, c'est fin 19e, mais aujourd'hui, on continue là-dessus. Et alors, sur le plan médiatique, évidemment, tous les exemples que Mélissa donnait, alors en France, évidemment, on a tout un panel, les Éric Zemmour, etc., qui expliquent qu'effectivement, la sexualité masculine doit être agressive. C'est ce qu'il dit, hein. Il faut que la sexualité masculine soit agressive et soit violente. Il trouve ça très positif. Vous avez au Québec Yvon Dallaire qui dit des choses très comparables à ça aussi. Et donc ça, c'est évidemment beaucoup plus inquiétant que Freud, que plus personne ne prend à la lettre, évidemment. Une autre question qui vient de Loka. C'est quoi cette affaire de Freud sur la capacité d'éteindre le feu avec le pénis? Je veux une référence parce que c'est trop drôle, les choses qu'il a inventées, ça, c'est même. Je suis en train de chercher sur les internets. OK, merci Mélissa. Donc, il y a une question après de Estelle. Bonjour, vous dites que certaines mères tentent de garder leurs enfants en sécurité auprès d'elles et de les protéger de leurs agresseurs en fuyant à l'étranger, notamment en Suisse. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce phénomène? Y a-t-il des poursuites engagées sur le plan d'une justice internationale? Que risquent les mères qui agissent ainsi? Doivent-elles vivre cachées à l'étranger? Alors oui, c'est très clair pour les pays comme la France et la Belgique, elles vivent cachées. Il y en a qui sont en Amérique latine, il y en a eu, je ne sais pas s'il y en a encore, mais il y a eu tout un moment, il y en avait en Suisse, il y en avait plusieurs. Alors ça a été notamment dénoncé par le rapport Petit, qu'on peut trouver sur Internet, qui est le rapporteur de l'ONU sur cette question-là, qui a fait toute une enquête en France et qui a rendu un rapport qui est extrêmement sanglant par rapport à la France, et où il dénonce ce phénomène. Et évidemment, bien entendu, ces femmes sont recherchées, elles sont poursuivies, quand on les attrape, elles sont mises en prison. Je connais le cas d'une dame qui s'était cachée en Amérique latine avec sa fille. Malheureusement, sa fille a attrapé une maladie grave qu'elle ne pouvait pas soigner localement. Elle est d'ailleurs passée par Montréal et puis était extradée en France. Et elle est allée en prison. C'est la prison qui attend ces femmes. Ça, c'est très, très clair. Il y a quelqu'un d'autre qui dit, Guillaume, merci pour votre réponse très riche. Je ne connais pas bien Richard Garner et les sources des théories masculinistes. Selon vous, quel est leur degré de sincérité? Croyaient-ils en leur théorie ou s'agit-il dans leur esprit de simples constructions visant à manipuler les décisions judiciaires qui les arrangent bien mais auxquelles ils ne croient pas vraiment? Oh, ce qu'on peut dire, c'est que très souvent, ces gens-là étaient des gens qui, par ailleurs, on est encore dans les années 70 et 80, ils font comme beaucoup d'autres à leur époque, ils prônent les relations sexuelles avec enfants. C'est-à-dire que ce sont eux-mêmes des pédocriminels. Alors, lui, on n'en est pas certain, mais presque. En tout cas, il a dit des choses. Il a une manière d'argumenter autour de la pédocriminalité qui laisse vraiment entendre qu'il a des sympathies pour tout cela. Il a dit des choses délirantes. Il expliquait, par exemple, que c'était les Juifs à l'Antiquité qui avaient interdit l'inceste. C'est vraiment, comment on peut écrire ça en 1980? C'est drôle. Alors, il y en a d'autres, comme le pasteur Underwager. Lui, il était clairement pédocriminel et il disait « Soyez fiers d'être pédophile ». Donc, c'est un des auteurs en question. Donc, il faut bien se dire que ça s'inscrit à la même époque. Les théories certaines théories pro-pédophiles, que ce soit chez eux ou dans la littérature en France, dans le cinéma en France, etc. C'est au même moment où Libération, le journal Libération en France, donne des pages entières à des tribunes, à des pédocriminels qui défendent la pédocriminalité. Et c'est à la même époque où Polanski commet son premier viol sur une gamine de 13 ans après l'avoir saoulé et lui avoir donné des sédatifs. Donc voilà, et donc Gardner, il arrive dans ce contexte-là, Gardner et les autres. Et donc, la question de savoir s'ils sont sincères ou pas, je n'en sais rien, ce n'est pas trop le problème. Ce que ça montre, en tout cas, c'est que c'est un phénomène culturel qui les dépasse très largement. Ce n'est pas juste un psychologue dans son coin qui a pondu une idée qui a eu du succès. Non, il n'est que le vecteur d'un mouvement culturel, Mélissa l'a dit tout à l'heure, et je l'ai dit par rapport au début du 19e siècle, où ces théories-là, elles sont dans la tête déjà des gens depuis très très très longtemps. Ils ne font que les formaliser d'une certaine manière. Je ne sais pas si Mélissa voulait ajouter quelque chose là-dessus maintenant qu'elle a trouvé la référence. D'ailleurs, vous pouvez trouver la référence, merci Mélissa, dans le chat. Se teindre les feux par le pénis. Oui, j'atterris en fait. J'atterris. Donc, quelle était la question? Oui, je peux la répéter, même si elle est... Merci pour votre réponse très riche. Je ne connais pas bien Richard Gardner et les sources des théories masculinistes. Ah, ça, voilà, merci. Quel merci. Est le degré? Tu as compris le reste? Okay. Oui. Quel Merci. Est le degré de sincérité? C'est difficile de creuser la tête des gens. Moi, je fais de la sociologie, la question des intentions. Je préfère parler d'objectifs, l'intentionnalité des personnes. J'ai une frilosité à entrer dans ce domaine. Mais on peut voir que l'objectif de la théorie de l'aliénation parentale, évidemment, et les contenus de ce que dit Richard Gardner sur sa définition des sexualités, et là, je vais citer quelques exemples de mémoire, je vais terminer ma phrase avant, mais sont en fait, on porte un objectif, du moins c'est de maintenir le statu quo. Ça, c'est la base, c'est le minimum. Après, on peut émettre l'hypothèse que Richard Gardner a envie de défendre la pédocriminalité. Ce pourquoi je dis ça, c'est que je vais encore une fois de mémoire citer quelques éléments de sa théorie de la bisexualité. Il va dire que c'est normal qu'un homme soit attiré par un enfant. Et là, c'est extrêmement toxique ce que je vais dire. Je suis vraiment désolée. Mais c'est normal qu'un homme soit attiré sexuellement vers un enfant parce qu'ils ont la peau aussi douce que celle des femmes. Il va dire que le problème avec le fait que les pédophiles soient condamnés dans les pays occidentaux nous vient d'une influence indue des Juifs. Il va dire... Que, comme je vous le disais, là, en fait, les femmes sont génétiquement programmées pour être agressées sexuellement. Ça, c'est un autre détail. Et donc, c'est sûr que je ne peux pas faire autrement à la lecture de ces propos que d'y voir là une justification de la pédocriminalité. De parler de la douceur de la peau des enfants, de justifier, de dire que certes, les enfants, ils sont trop jeunes, donc les petites filles ne peuvent pas donner la vie pour perpétuer l'espèce, parce qu'il est là-dedans. Il dit qu'on a une programmation génétique pour la perpétuation de l'espèce humaine. Il dit, mais peut-être que les petites filles ne sont pas encore fertiles, mais elles vont apprendre. Donc, c'est un dressage à la sexualité. C'est de créer un envie sexuelle chez les petites filles, de sorte que lorsqu'elles seront en stade de procréer, elles pourront justement perpétrer l'espèce. Donc ça nous vient de différents bouquins avant le développement de sa théorie de l'aliénation parentale. Et c'est là où c'est intéressant de voir que justement, on ne peut, selon moi, détacher la théorie de l'aliénation parentale de sa conception de la sexualité. Puisque c'est la même chose pour tout le monde, lorsqu'on a un schéma de pensée, évidemment, lorsqu'on écrit quelque chose, où on développe une nouvelle théorie ou un concept, ben c'est difficile de s'extraire de soi dans le développement théorique. Donc, ça s'inscrit dans nos biais, nos préjugés ou dans nos façons de concevoir les rapports sociaux, les rapports humains entre les femmes et les hommes notamment. Merci. Il y a d'ailleurs Luca qui disait merci, lui dit ça, puis qui rajoutait full intéressant cette conférence en passant, ça fait oublier la canicule. Autre question. Que pensez Marina qui dit que pensez-vous des théories de Elisabeth Loftu et ou Brigitte Axelrad en France sur les faux souvenirs induits? Alors, Patrick, est-ce que tu veux répondre? Ben, alors, c'est une problématique très, très, très gênante. Parce que, alors je vais vous dire ce que je sais. Je commence par vous dire que je ne suis pas expert en la matière. Si tu complèteras ou tu diras si tu as un avis différent, Mélissa. On sait, parce que des expériences l'ont montré, qu'il est possible d'induire des souvenirs chez des enfants. Ça, on le sait. On a fait des expériences où un enfant qui est allé à Disneyland, par exemple, eh bien, on lui dit « Ah, tu te souviens, quand tu étais petit, tu es allé à Disneyland et tu as pleuré devant un bonhomme qui était déguisé en… » Et on lui cite un personnage qui ne fait pas partie du monde de Disney. Popeye, par exemple. Ah, tu as pleuré devant Popeye. Et l'enfant va, petit à petit, à force de la répétition de l'expérience, bah, il va se souvenir, il va se figurer ses pleurs, qui étaient peut-être devant un autre personnage, mais devant, en l'occurrence, devant un Popeye qui n'a jamais été là. Donc, on sait sur le plan expérimental que c'est possible. Maintenant, dire qu'à partir de là, on puisse facilement, qu'une mère puisse facilement induire des faux souvenirs récents, parce que souvent, ces affaires sont récentes, évidemment, ce n'est pas 20 ans ou 30 ans avant, chez un enfant, c'est une autre affaire. Et donc, évidemment, cette possibilité qui a été décrite d'induire des faux souvenirs, elle a été très largement instrumentalisée. C'est du pain béni, évidemment. Pour ceux qui sont les tenants des théories type aliénation parentale, parce qu'il y en a d'autres, hein, syndrome de Médée, etc., puisque ça leur permet de dire, mais vous voyez, il y a des expériences qui montrent que c'est possible et qu'on peut induire des faux souvenirs. Évidemment, c'est les experts, les pédopsychiatres à qui vous posez la question, ils vous disent, oui, mais si un enfant est entendu sans que sa parole ne soit brouillée par différentes interviews, par des policiers qui ne sont pas formés, mais si on a une possibilité d'entendre l'enfant et de l'entendre dans le temps, avec des méthodes, il y a, et au Québec et en France, des gens qui travaillent sur des méthodes d'interview des enfants victimes qui sont extrêmement précises, extrêmement cadrées, extrêmement rationnelles, et bien là, à partir de là, quand on travaille comme ça, on peut évidemment faire la différence très facilement entre des souvenirs qui seraient flous, qui auraient pu être influencés, et de véritables souvenirs d'agression. Le problème, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que, en tout cas dans nos pays, je pense qu'au Québec, d'après ce que j'ai vu, c'est quand même beaucoup mieux, mais en tout cas en France et en Belgique, il n'y a pas du tout de moyens. Et donc, les expertises se font parfois en 20 minutes par des experts qui sont très peu formés. Mélissa, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose là-dessus? Oui, je vais rajouter quelque chose là-dessus. En fait, je ne suis pas du tout experte de ces questions, mais je crois tout de même que lorsqu'un enfant vit un trauma, il est fort à parier que pour survivre à ce trauma, l'enfant enfouisse des souvenirs, au contraire de ce qu'on prétend, où les enfants développeraient de faux souvenirs. Et j'aimerais juste voir d'où vient cette idée de faux souvenirs, ou en tout cas ce concept du syndrome des faux souvenirs. Et là, je ne vais pas du tout parler des travaux français, je vais plutôt parler justement de Peter Freud, qui a été à l'origine du syndrome des faux souvenirs et d'une fondation du même nom, en 1993. Pourquoi Peter Freud, accompagné de sa femme Pamela Freud, ont créé cette fondation et ce syndrome? C'est à partir du moment où la fille du couple, Jennifer Freud, a accusé son père d'agression sexuelle à l'âge de 13 ans. Donc, Jennifer Freud avait enfoui ses souvenirs d'agression sexuelle et, dans le cadre d'une thérapie, ses souvenirs lui sont revenus. Elle dénonce son père et son père reconnaît qu'il a eu énormément de trous de mémoire causés par une consommation importante d'alcool. Mais malgré tout, il va consulter de son côté, accompagné de sa femme qui ne croit pas Jennifer Freud, il va consulter des psychologues qui, eux, vont développer une justification et donc donner naissance au syndrome d'aliénation parentale. Pour dire au départ le syndrome d'aliénation parentale, de faux souvenirs, au départ, on accusait les enfants de mentir. Et ça, disons que la réception du grand public et des experts face à ce développement puis à ces accusations à l'endroit des enfants a vraiment pas été hyper positive. Donc, on a revisité le Memory Syndrome pour justement penser que c'était plus du tout la faute des enfants, mais au contraire, la faute des enfants devenus adultes, mais la faute des thérapeutes. Et les thérapeutes, donc, qui interviennent auprès des enfants et auprès des adultes également, qui révèlent ou qui se souviennent de souvenirs d'agression, seraient donc accusés de mettre dans la tête des enfants et des adultes de faux souvenirs parce qu'elles sont féministes, parce qu'elles ont un biais, parce qu'elles voient de la violence sexuelle partout, etc., etc. Et aux États-Unis, il n'y a pas si longtemps, il y avait même des procès contre les thérapeutes pour cette question lorsque, justement, un membre de la famille en venait à dénoncer de l'inceste de la part du père. Donc, il faut voir d'où ça vient, du moins pour le contexte nord-américain et états-unien. Et par la suite, je ne sais pas comment les travaux ont été repris par Elisabeth Loftus, notamment. Et je serais curieuse, en fait, de vous entendre là-dessus. Merci. Il y a Estelle qui rajoute sur sa question, pardon, mais je n'ai pas encore compris par rapport aux femmes qui fuient à l'étranger. Est-ce qu'il y a des pays où ces femmes peuvent vivre protégées et dénoncer le système, tout comme l'exemple des réfugiés politiques en Occident? Ah! La manière dont la question est posée, il y a fort à parier que... On est face à une maman qui cherche des informations. Et malheureusement, je ne peux pas lui en donner. Je ne connais pas d'exemple. Aujourd'hui, la justice internationale fonctionne très bien et c'est très, très compliqué. Il y a peut-être des pays, mais je ne peux pas lui répondre. Je ne peux pas lui répondre. Merci. Moi, je peux juste dire que le problème, c'est qu'il y a des risques d'accusation de kidnapping, dépendamment du contrat et de l'entente de séparation aussi, parce que justement, on ne peut pas quitter pour ces raisons, au sens où on ne peut pas demander le statut de réfugié politique, malheureusement, pour ces raisons. Merci, Mélissa. Il y a Guillaume qui dit « Merci Patrick et Mélissa pour vos réponses qui permettent d'y voir plus clair. Quand on a affaire à une personne masculiniste, je ne vois vraiment pas comment... Non, il dit, je ne vois pas comment un dialogue est possible, ni s'il est possible de les faire sortir un peu de leur théorie du complot antiféministe. Y a-t-il, selon vous, un bon argument, une bonne question, une bonne attitude qui réussirait à conduire un masculiniste à douter de ses théories? » Non. Malheureusement, non. Patrick, peut-être que tu veux commencer à répondre. Non. J'ai participé récemment à une expérience. Alors, je ne vais pas donner trop de détails, mais... autour d'une personne, d'un homme qui avait commis des choses. Alors, ce n'était pas des crimes et délits, mais ce n'était pas loin du délit quand même. C'est très, très proche. Il a été condamné, on va dire, même si ce n'est pas par la justice, à suivre une sorte de coaching sur ces matières-là, de harcèlement, etc. Et donc, j'ai été désigné pour travailler avec lui. Alors là... Pour le coup, il ne s'agit pas d'un masculiniste, il ne s'agit pas d'une personne qui aurait de la sympathie pour ces idées-là. On va dire que c'est un homme dans la norme, c'est-à-dire qu'il est raisonnablement machiste, c'est un type qui a près de 60 ans, mais sans plus. Et donc, j'ai commencé à travailler avec lui, à différentes séances, sur ces questions-là. Et là où j'ai pu le faire bouger, c'est sur le plan normatif. C'est-à-dire qu'il a accepté l'idée que la société évolue, que les normes évoluent et que ce qui était permis aux hommes il y a 30 ans ne l'est plus aujourd'hui. Donc sur le plan normatif, il n'y a pas de problème. Et donc il va changer son comportement pour des raisons normatives. Mais sur le plan éthique, puisque quand on parle de ces questions-là, évidemment, c'est la question de l'éthique, de l'empathie, etc. Il n'a pas bougé d'un millimètre. Et il est très loin des masculinistes. Donc Je pense que essayer de convaincre un masculiniste, c'est vraiment perdre son temps, je pense. Merci pour la réponse. Mélissa? Oui, j'ajouterais, je suis d'accord avec Patrick, c'est l'expérience également qui m'invite à être un peu pessimiste quant à la capacité de dialogue. J'ajouterais aussi qu'on ne parle pas le même langage. Ceux avec qui j'ai échangé parlent beaucoup le langage justement de la psychologie évolutionniste, puis même de la sociobiologie, des théories qui peuvent être reprises par l'extrême droite notamment, mais ils vont parler un langage où seuls les rapports inter-individuels sont pour eux pertinents. Et donc, comme moi, je suis féministe et que je pense en termes macro, c'est-à-dire je pense le système, je vais penser les structures qui permettent que tout ça se maintienne, je vais penser en termes d'intérêt. Voyez, plutôt je disais, j'ai de la difficulté à ouvrir la porte, la question des intentions, mais la question des intérêts, par contre, ça, on peut en discuter. Et je pense qu'ils ont des intérêts. Quand les études nous disent que la plupart des masculinistes, ce sont des hommes dans, disons, entre 30 et 50 ans, la plupart vont être dans une position sociale assez favorisée, des hommes blancs, des hommes cisgenres, des hommes hétérosexuels, ils ont beaucoup d'intérêt à perdre avec le féminisme. Et ça, on en parle très peu. Souvent, quand on parle de féminisme, on parle de l'intérêt des hommes de pouvoir se réinventer grâce au féminisme, mais on ne parle pas aussi de ce que les hommes, ces genres, risquent de perdre. Et je pense que c'est important d'en discuter, d'en discuter pour justement voir quels sont ceux des militants qui sont les plus virulents parmi les masculinistes. Qu'est-ce qu'ils peuvent perdre? Ils peuvent perdre, grâce au féminisme, l'accès à une femme qui va s'occuper d'eux, s'occuper des enfants, faire à manger, faire la lessive. Et donc, ils ont avantage à maintenir cette hiérarchie pour pouvoir profiter du travail gratuit des femmes en contexte hétérosexuel. Qu'est-ce qu'ils ont comme avantage, les masculinistes? Ah, de pouvoir également être premier en sélection lorsqu'il y a un concours pour un emploi. Et donc, maintenir aussi cette hiérarchie où ils sont cadres supérieurs, et les femmes peinent, et surtout encore plus les femmes racisées, mais peinent justement à pouvoir accéder, et c'est ce qu'on appelle le fameux plafond de verre. Ils ont aussi un intérêt à ne pas reconnaître le consentement comme valide, ou à trouver farfelu cette question du consentement, puisque ce faisant, ils ont donc un intérêt à pouvoir disposer comme ils le veulent, quand ils le veulent, du corps des femmes et de leur sexualité. Et donc, tout dépend de l'adhésion du prétendu masculiniste, du niveau d'adhésion à justement au masculinisme. Je reprends ma phrase, c'est-à-dire, je pense que vous pouvez, Guillaume, discuter avec quelqu'un qui vous semble ouvert, qui vous semble curieux, et qui a justement peut-être incorporé, enregistré, adhéré à certaines théories puisqu'ils sont dans l'air du temps. Mais au fil de la discussion, la personne pourrait remettre en question ses théories entendues. Mais avec ceux qui, sur le web, parce que là, je vous parlais des militants, mais il y a aussi le masculinisme qui se manifeste sur Internet. Sur le web, on parle de militants particulièrement virulents. Et dans le cas des incels qui adhèrent aussi à la question de la crise de la masculinité, donc parmi les incels, on a des hommes qui menacent de tuer des femmes et des féministes. Moi, je ne dialogue pas avec des hommes qui menacent de tuer des femmes et des féministes, et j'imagine que vous aussi, Guillaume, vous ne parlez pas avec ces gens-là. Donc, parfois, ça vaut le coup, parfois, on s'épuise, et parfois, j'invite au contraire à ne pas entrer en dialogue et à discuter avec des gens hautement plus intéressants. Merci, Mélissa. Je vais poser la question de Marina. Vous parlez beaucoup des mères qui déposent plainte pour leur enfant. Qu'en est-il des victimes d'inceste qui déposent plainte à l'âge adulte? Alors ça, Ça, c'est évidemment une partie du problème. C'est que à partir du moment où la justice, pour l'instant, dans des pays comme la France et la Belgique, est très immobile sur les dossiers, c'est moins qu'on puisse dire, sur les dossiers d'enfants victimes, eh bien, évidemment, ça repousse le problème à plus tard. Et le problème, c'est que souvent, plus tard, c'est trop tard. C'est très, très, très compliqué. D'abord, ça veut dire que ce sont des gens qui passent de l'enfance à l'adolescence et puis à l'âge adulte avec leur passé qu'ils continuent à porter sans qu'il y ait eu un jugement, c'est-à-dire sans que la société ne les ait reconnus comme victimes et leur agresseur comme agresseur. Et puis, c'est parfois extrêmement difficile parce que l'agresseur peut être mort, peut être tellement vieux que ça devient extrêmement compliqué. Et puis surtout, plus le temps passe, plus il est difficile de prouver. Et donc, on a des... Moi, je connais un certain nombre d'exemples où il y a une multitude de victimes. Et donc là, évidemment, devant un tribunal, on peut facilement démontrer que l'agresseur est un agresseur. S'il n'y a qu'une victime qui est présente au regard de la loi, c'est parole contre parole et ça devient extrêmement difficile. D'où l'importance de traiter le problème dès le départ en matière judiciaire. Mélissa, tu as ajouté quelque chose? Non, Christian, peut-être que tu peux en dire un peu plus sur le délai de prescription qui est en train de bouger. Le délai au Québec de prescription concernant les agressions sexuelles, les viols sur mineurs particulièrement, ont été abolis. Donc, il n'y en a plus. Fait qu'on peut, en principe, dénoncer nos agresseurs, peu importe le moment de la vie. Puis, justement, aujourd'hui, j'ai mis sur la page Facebook de l'événement, mais je ne sais pas si les gens l'ont vu. Il y a 5 prêtres, des clercs de Saint-Viateur qui ont été arrêtés. Probablement que c'est aussi lié au fait que les délais de prescription ont été abrogés. Alors, c'est ça, c'est une nouveauté due au Québec depuis la semaine passée, en fait. Puis là, contrairement à d'autres politiques qui sont pas très positives dernièrement, il y a quand même plusieurs femmes de chacun des partis opposition ou pouvoir qui se sont unies pour travailler sur cette question-là et qui ont ramené les délais de prescription pour les mineurs, les crimes posés sur des mineurs, on n'y en a plus. Il n'y a effectivement plus de délai de prescription au civil, mais il y en a encore un au criminel. Alors, je pense que... Oui, c'est une excellente nouvelle. Je vois en France qu'ils se battent aussi beaucoup pour ça, entre autres Muriel Salmonin. Oui, alors en France, le délai de prescription était de 20 ans jusqu'à il y a peu. La loi a été modifiée, l'a portée à 30 ans. Mais contrairement à ce que pensent la plupart des gens, la prescription à 30 ans, ce n'est que pour les crimes et délits, enfin pour les crimes qui sont commis à partir du vote de la loi. Ça veut dire que tout ce qui précède jusqu'à la veille, ça reste 20 ans. Alors effectivement, il y a un certain nombre de gens en France qui se battent pour supprimer la prescription. Et il y a une opposition de principe, puisque dans notre droit, je ne suis pas juriste, mais à ce que j'en sais, dans notre droit, à part les crimes contre l'humanité, il n'y a pas de crime qui ne puisse pas être prescrit. Donc voilà, c'est un débat juridique qui dépasse largement mes connaissances juridiques. Merci. Mais est-ce qu'il y avait d'autres questions? Parce que là, je pense que peut-être que les gens s'épuisent, mais s'il y a des questions brûlantes, genre d'actualité ou peu importe, qui brûlent, que vous voulez absolument poser. Ah, au moment où je dis ça, il y a Estelle qui écrit « J'ai l'impression que la réponse apportée par la justice la plupart du temps, un non-lieu ou un classement sans suite, repose, beaucoup sur la qualité de l'enquête de police. Nous avons peu d'informations sur cette dernière. Concrètement, savez-vous comment un enquêteur va élucider et avec quels outils vont-ils essayer de trouver leurs preuves en dehors de l'audition Mélanie? » Alors l'audition Mélanie, donc c'est une méthode d'audition qui est prévue par la loi en France et qui prévoit que l'enfant soit auditionné, mais que son audition soit enregistrée et filmée. Alors d'abord, il n'y a pas le matériel pour le faire partout, il n'y a pas ça dans tous les départements, premièrement. Deuxièmement, les policiers sont peu ou mal formés. Ça, c'est un autre problème. Et puis, pour avoir une audition de type Mélanie, il faut déjà qu'il y ait un début d'enquête. dans un certain nombre de cas, ça ne va même pas jusque-là. Moi, j'ai des dossiers où personne n'a été entendu, où l'enfant a à peine été entendu quelques instants par un policier, et puis ça a suffi pour que le parquet classe sans suite. Donc souvent, il n'y a même pas d'enquête. Donc, parce que je pense que chez la plupart, chez bon nombre de policiers, exactement d'ailleurs comme avec le problème de la violence conjugale, hein, ou en France, dans beaucoup d'endroits, je sais qu'au Québec c'est très très très différent, mais chez nous c'est encore comme ça, dans beaucoup d'endroits quand une femme veut porter plainte pour violence conjugale, on la renvoie chez elle en lui disant qu'elle elle doit régler ça avec son mari, ou qu'elle exagère, ou que c'est une dispute, ou on lui propose de déposer une main courante et non une plainte. Donc on voit que les forces de police sont plutôt en réaction plutôt qu'en soutien des victimes, et c'est exactement la même chose évidemment avec les histoires d'inceste et d'agression sexuelle dans le cadre familial, ça c'est très clair. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Parce que comme je disais, on arrive vers la fin. Alors s'il y a des questions, ce serait absolument le moment de les poser. Sinon, il n'y en a pas d'autres, et puis peut-être que Patrick ou Mélissa, vous voulez rajouter quelque chose? À toi l'honneur, Mélissa. En fait, non, seulement pour vous remercier de votre présence. Vous dire peut-être à la prochaine. Eh bien, de même, merci beaucoup. J'étais vraiment content d'avoir passé ce moment avec vous. Et j'imagine que parmi les 19 personnes qui sont restées jusqu'au bout, il y en a quelques-unes qui doivent avoir un intérêt particulier pour cette question, et voilà, ben je leur envoie toutes mes pensées, et effectivement, ben à très bientôt Mélissa, je t'embrasse et j'espère te voir bientôt, et à bientôt Christian, et au plaisir de te rencontrer in real life, comme on dit. Oui, merci infiniment à vous. Pardon, Mélissa, tu voulais parler? Non, juste dire à bientôt Patrick. Ciao. Donc, merci infiniment à vous deux et merci à vous toutes et tous d'avoir participé à cette conférence. Il y a DC qui dit merci pour la présentation, Estelle aussi dit merci pour vos réponses. S'il y a des gens qui veulent ajouter des annonces, genre, ou des références à des choses importantes, genre là, on peut donner congé à Patrick et à Mélissa pour ils peuvent rester avec nous ou pas, mais je pense qu'on peut continuer la conversation là-dessus de façon plus circulaire, si vous voulez rajouter des... Si vous avez des événements en tête qui s'en viennent, ou des livres, ou des références, vous pouvez les rajouter soit dans le chat, ou vous demander de prendre la parole, comme j'avais fait tout à l'heure. Mais ça peut être bon aussi pour vous, Mélissa et Patrick, évidemment. Il y a Fellow Jester, ça, c'est impossible pour moi de dire c'est qui. Fait que la personne qui se reconnaîtrait, qui a levé la main, pourrait peut-être parler. Il y a Estelle qui veut parler. Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Bonjour. Oui, merci. Oui, d'accord. Je voulais juste dire un mot. Alors, nous, là, donc, je suis en France. Hein. Et puis, comme Patrick l'avait deviné, moi, je suis la mère d'une enfant victime d'inceste. Donc, je suis en procédure pénale. Et donc, face à cette situation, en fait, on s'informe et donc on se rend compte de la gravité des situations, du problème, du fait qu'on en parle peu. Et comme c'est peu reconnu, on commence à former un groupe, un collectif, en fait, de mères victimes d'inceste. Donc, voilà, si ça intéresse des personnes. Est-ce que tu peux mettre la référence dans le chat? Oui, je vais mettre la référence dans le chat. Donc, pour l'instant, c'est juste un groupe Facebook, en fait. Et on a fait un groupe WhatsApp aussi pour échanger. On a commencé, en fait, cette année au mois de mars. Et on a déjà eu une bonne vingtaine de personnes qui ont rejoint le groupe. Et bon, on se fait encore peu connaître, mais en même temps, on veut faire très attention parce qu'on veut que ce soit vraiment juste un groupe pour les mères victimes d'inceste. Enfin, Et du coup, voilà, donc pour le moment, c'est un groupe Facebook et ça ne serait pas étonnant que ça se transforme en association. Génial, merci. Voilà. Et quelqu'un d'autre voudrait prendre la parole ou sinon, vous pouvez aussi écrire dans le chat et je peux lire ça pour les autres. Que quelqu'un veut prendre la parole. Il y avait quelqu'un qui avait levé la main aussi, mais il n'y a pas de nom dans son carré, alors je ne peux pas savoir c'est qui. Alors, si la personne veut prendre la parole, elle peut le faire maintenant. Personne qui veut ajouter quelque chose? Collectif Mère d'enfants victimes d'inceste. Ah oui, c'est le collectif en question. Moi, j'ai aussi parti une page qui s'appelle « Entraide entre victimes d'inceste », plus pour les victimes directement. Il y a les références qui nous sont envoyées par Joël Terrien du CFHR. Ça a cherché qu'est-ce que c'est signifie. Source intéressante, Isabelle Côté, Simon Lapierre, Francis Dupuis, Déril, l'aliénation parentale, stratégie d'occultation de la violence conjugale, rapport de recherche de l'Université d'Ottawa, RECF, IREF, IFAM, en vie. Je ne sais plus qu'est-ce que veut dire AN. En tout cas. Allez, le concept d'aliénation parentale permet donc de nier la violence masculine et de qualifier d'aliénante les femmes qui dénoncent les comportements violents de leur conjointe ou ex-conjoint. Ça, c'est une citation. Une autre citation, le concept d'aliénation parentale repose d'ailleurs souvent sur la prémisse que la femme et les enfants inventent de toutes pièces des situations de violence au début. Autre citation, puis aussi une autre référence. Alors, vous pouvez retrouver ça dans le chat. Si les gens n'ont pas encore vu le chat, c'est la bulle à côté de la main en bas à gauche. J'ai monté une conférence avec une amie avocate sur l'aliénation parentale, écrit Joël Terrien aussi. C'est très intéressant. Est-ce que cette conférence est disponible quelque part ou c'est pour plus tard? Peut-être que Joël peut répondre dans la. Joël Terrien peut répondre dans le chat, voir si cette conférence elle est accessible ou elle va être accessible plus tard. Ah non, elle n'a pas été filmée. OK. Elle était présentée, mais pas filmée. Mais peut-être qu'elle sera représentée ou si c'est possible de la présenter. Il y a toujours moyen de refaire des événements comme aujourd'hui. Alors, si jamais il y a intérêt, vous pouvez le faire savoir. Moi, ça me fait toujours plaisir d'animer ce genre d'événements et de les organiser. Ou s'il y a d'autres mondes qui organisent des événements, il y a toujours moyen de le faire savoir aussi. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent rajouter des choses, des événements, livres ou associations, groupes, pages qui ont des questions sur des pages déjà existantes, dont les pages qui ont présenté aujourd'hui la présentation, donc ma page personnelle qui est la page d'un survivant masculin d'inceste et d'agression sexuelle et la page que j'ai créée qui s'appelle « Entraide entre victimes d'inceste ». S'il y a des gens qui veulent poser des questions, vous pouvez les poser. S'il y a d'autres questions qui n'ont pas rapport avec ça aussi. Sinon, s'il n'y a personne qui s'exprime dans le chat et qui lève sa main, nous allons conclure maintenant. Alors, je vous donne une minute jusqu'à 55. Moi, j'ai 54. Je donne une minute, puis s'il n'y a pas d'autre chose, ben, on va conclure. Je pense qu'on va conclure. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent acheter des choses maintenant? Non. OK, bon, je pense que ça y est, là, la conférence et l'événement sont terminés. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci infiniment à Patrick et à Mélissa d'avoir présenté tout ce qu'ils nous ont présenté aujourd'hui. C'était absolument intéressant. Et nous reviendrons sur d'autres sujets éventuellement. Et si vous voulez vous procurer le livre « La loi des pères », il est disponible un peu partout. Si vous allez dans les bonnes librairies de France, de Belgique ou d'ailleurs, au Québec, il est en attente. Il est supposé être en cours présentement. Sur leslibraires.ca, qui unit les indépendants et indépendantes, il est écrit qu'on peut en réserver un, mais qu'il n'est pas encore accessible au Québec. Je ne sais pas quand exactement. Patrick est encore avec nous, peut-être qu'il peut nous le dire. Quand est-ce que le livre est supposé être disponible au Québec? Non, alors je ne sais pas du tout. Le problème, c'est que tout a été arrêté à cause de la pandémie. Donc, en France, toutes les maisons d'édition ont été fermées. Là, elles rouvrent tout doucement, mais les gens travaillent longtemps, à mi-temps. Donc, tout est très ralenti. Donc j'ai posé la question avant aujourd'hui, j'ai même pas eu la réponse. Donc je ne sais pas, ça devrait arriver. Si pas, il y a toutes les plateformes de vente en ligne qui vendent le livre, évidemment, aussi. Effectivement. Ouais, puis c'est ça, comme je disais, moi je suis allé voir sur lelibraire.ca et ça dit que prochainement accessible et on peut le réserver, mais pas plus pour le moment. Mais de toute façon, ça devrait arriver là, tout se remet en place. Oui, tout à fait, c'est ça. Ben, merci Patrick. Au plaisir, à bientôt. Oui, au plaisir. Joël Tanik, super intéressant, merci beaucoup. Alors, c'est ce qui conclut l'événement. Alors, à moins qu'il y ait absolument quelqu'un qui veut dire quelque chose qui lui brûle, elle brûle de dire maintenant, sinon je vais fermer le Jitsi. Mais de toute façon, le Jitsi reste ouvert, alors si les gens veulent continuer à parler, ils peuvent continuer à parler. Ah, Sonia would like to speak. Sonia veut parler. Alors, Sonia? Oui, je sais pas. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend très bien. Bonjour, donc moi je suis en France. Oui, je suis une des vice-présidentes de l'association Le Monde à travers un regard, oui, qui est une association de victimes d'inceste et de proches de victimes. Donc, en dehors des interventions auprès des politiques et autres, on fonctionne avec des groupes de parole, donc de victimes et proches de victimes. Et tout à l'heure, j'ai entendu parler de l'association, nouvelle association, enfin, une nouvelle association, un nouveau groupe sur Facebook qui s'occupe, enfin, qui parle des mères de victimes. Il y a une association je crois que c'est sur Paris, qui s'appelle les mères en lutte, je crois. D'ailleurs, si vous voulez poster, peu importe qu'est-ce que vous voulez poster, vous pouvez le mettre sur la page Facebook et je l'afficherai en temps et lieu. Donc, les références, tout ça, vous pouvez poster aussi sur la page Facebook. Je vous remercie d'avoir pris la parole pour parler de votre association. J'ai eu la chance de connaître à travers les autres. Autre question, question, comment on peut faire pour avoir conférence qu'on venait de donner là pour l'avoir en. Ça va venir plus tard. En autre jour. Ça va venir plus tard. D'accord, parce qu'il faut voir la qualité et puis en décider si on veut la rendre publique ou pas. D'accord, vous nous préviendrez donc. Oui, oui, tout à fait. Ce sera sur la page événement. D'accord, parfait. Merci beaucoup. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose? Merci à vous et à bientôt, Guillaume. Donc, c'est encore le temps de rajouter quelque chose. Si une personne veut faire ça, si une personne veut rajouter quelque chose. OK, sinon, on va conclure. La dernière fois, j'ai dit ça, quelqu'un est venu pour intervenir. Estelle, le collectif des maires en lutte est un collectif de recherche sur les violences faites aux maires. Donc, c'est génial. Alors, est-ce que... Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Je vois elle. Non? OK. Bon, ben, merci beaucoup d'avoir participé encore une fois. Et merci encore infiniment à Mélissa et à Patrick qui présentent son livre La loi des pères, une enquête choc sur l'aveuglement de la justice et la société face à l'inceste et la pédophilie.